disciples, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte, volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Bah, dites-le plutôt clairement. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 6, épisode 24. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email démocratieparticipative en un seul mot, pas d'accent, sur démocratie@protonmail.com. Je répète, démocratieparticipative en un seul mot, pas d'accent, sur démocratie@protonmail.com. Vous pouvez aussi rejoindre le forum d'Europe Écologie Les Bruns. Alors, il y a toujours un petit peu de latence en ce moment, techniquement, on va essayer de régler ça. Donc c'est eelb.su, l'adresse, eelb.su. Ça vous permet de commenter les différents articles qui sont publiés sur le site de Démocratie Participative, disponibles à l'adresse suivante, Démocratie Participative, là aussi en un seul mot, pas d'accent puisque c'est une barre URL, .quest, Q-U-E-S-T, point Q-U-E-S-T. Régulièrement soumis à la censure, comme vous le savez. Si jamais vous ne retrouvez pas l'adresse du nom de domaine en raison de la censure, eh bien, vous n'aurez qu'à nous contacter sur notre boîte email pour nous demander la nouvelle adresse. Le cas échéant, n'hésitez pas. Alors, avant de poursuivre, pour remercier les donateurs de cette semaine, je vais présenter les participants qui nous font le plaisir d'être avec nous. Je vais commencer avec Wittmann. Salut Wittmann, j'espère que tu vas bien, Wittmann. Salut Gandalf, je vais bien. Et bonjour à toute l'équipe et à tous les auditeurs. Et aussi avec nous cette semaine, Fulbert. Salut Fulbert. Bonjour Gandalf et bonjour à tous. Cette semaine, nous fait le plaisir d'être avec nous également Pierrot. Salut Pierrot. Bonjour Gandalf, bonjour à tous. Et enfin, est avec nous Porovitch pour une nouvelle émission. Salut Poro. Shalom alaikum à tous, la paix de Yahvé soit sur vous. Alors, nous rejoindra normalement plus tard dans l'émission Captain America. On espère avoir avec nous. Alors messieurs, avant d'entamer l'émission proprement parler, on va remercier les donateurs. Sachez que si vous souhaitez nous soutenir le site, vous pouvez le faire en nous faisant des dons exclusivement en crypto-monnaie, par Monero, garantie l'anonymat du donateur, ainsi que le montant du don, toujours très utile comme moyen de paiement. J'en recommande l'adoption la plus large à tous ceux qui nous écoutent, toujours des moyens quotidiens d'application. Donc merci aussi à ceux qui nous soutiennent anonymement, qui ne nous envoient pas de courrier s'ils le font, mais sachez aussi que si vous nous faites un don, vous pouvez vous signaler en nous disant voilà, je vous ai fait un don de temps, vous pouvez me remercier à l'antenne, etc. Voilà, ça sera avec plaisir que ce sera fait, bien sûr. Alors, premier don de la semaine, c'est un donateur, c'est un mécène quoi, il y en a plusieurs comme ça, des gens qui donnent régulièrement, c'est Super Léon. Alors Super Léon, il nous fait un don de 2,8 Modéro. Généreux, transféré ce jour, et voici ce qu'il nous dit, en vous souhaitant une bonne réception, une bonne continuation, et en espérant également une abstention encore plus marquée ce dimanche, afin de voir chialer l'alcoolo-tabagique à chat, et voir Bardella passer sous les 10%. Que cette escroquerie de RN crève enfin. Oui, il y a une exaspération très, très forte, on va y revenir durant cette émission. Merci Super Léon pour ce soutien. est aussi, nous a aussi fait un don régulier, hein, c'est Mélas Autocator, vous le connaissez. Il nous a fait un don, je crois, de 0,18 Monero. J'ai plus le montant précis sous les yeux, il ne m'en voudra pas. Je vous adresse, comme d'habitude, un mon don mensuel. Alors, merci Mélas pour ton don. Alors, un troisième don. Bonjour Godalf, bonjour à l'équipe de DP. Je vous envoie mon tout premier don de 0,09 Monero. Merci de confirmer la bonne réception de celui-ci. Alors oui, il y a un peu de retard sur les confirmations, ne nous en voulez pas. Force à vous, continuez le travail que vous faites amicalement Deep Insight. Merci Deep Insight de ton soutien. Enfin, un quatrième don qui est aussi un courrier, c'est intéressant. Bonjour chers démocrates participatifs. Vous allez vite remarquer que le français n'est pas ma langue maternelle, nous dit-il. De ce fait, mon courrier n'a aucune aspiration à être mentionné à l'antenne. Étranger, même si de sang européen, ma légitimité ici est contestable, mais c'est une autre discussion. Je suis affligé de charcuter la langue, mais il faut bien que je m'exprime, et il me prendrait 4 heures que je n'ai pas pour écrire en français correct. Ce courrier est accompagné d'un don de 0,36 Monero. Alors merci, cher donateur. Pour ce soutien. Ce n'est pas beaucoup, j'espère pouvoir vous soutenir comme il se doit bientôt, mais mon bac plus 8 scientifiques et mes 50 heures de travail honnête par semaine ne sont pas suffisants pour me sortir de la précarité d'un CDD, et encore moins pour garantir que mes éventuels enfants ne grandiront entre ou avec des négrillons. Je me permets ce courrier pour partager la réflexion que je me suis fait ce matin. Le soir, je rentre de mon emploi en vélo, direction Est, par un trajet d'une bonne demi-heure où je passe par un endroit magnifique d'une grande ville, la grande ville où il vit, quoi. Cet endroit a été aménagé bien avant la victoire juive de 1945, et c'est donc d'une harmonie et d'une beauté touchante. Bien sûr, par les temps qui courent, il sert l'après-midi de promenade pour les Arabes, ses femmes bâchées et ses marmailles clairement consanguines. Le soir, il sert de lieu d'entassement à la jeunesse citadine et permet la rencontre d'eux. Alors, il y a 4 types ou sous-types de population qu'il voit sur cette place. Des jeunes femmes blanches élevées dès leur plus tendre âge à l'antiracisme viscéral, des hordes de nègres à torse nu luisant de sueur, des hybrides sémites concoïdes gitans indéfinissables puant le shit, et enfin des cons de goy en carence de testostérone avec sourire hébété de justicier social essayant de se convaincre qu'ils font partie des invités. Le tout sous ou au rythme de la musique de chimpanzé émise par de puissantes enceintes Bluetooth achetées avec mes impôts. Bref, je fais ce même trajet vers mon emploi tôt le matin, direction ouest, et je vois donc la suite. Cet espace culturel, legs de la nature et des grands hommes, de jadis donc, devenu un dépotoir de merde, bouteille de Heineken 25 centilitres remplie de pisse, serviette McDo, masque Covid, batte sur vêtre, trottinette défoncée, le tout répandu avec une uniformité désolante le long de plusieurs kilomètres. Et toujours, avançant lentement en contresens, un véritable peloton d'esclavage nègre en uniforme de la ville, équipé de balayeuses, karchers, centaines de sacs poubelles, érigeant derrière eux l'illusion, encore une fois, d'un territoire français, paraissant encore un tout petit peu français, quoi. C'est-à-dire digne. J'étais rappelé, je voulais vous rappeler ce que vous savez déjà, que le semblant d'ordre que le consommateur moyen vit n'est qu'une farce et ne tient que par un budget public obèse. Cet artifice est intenable et le jour inévitable, quand il s'écroulera, il le fera avec une violence terrifiante. En tant qu'homme blanc avec deux yeux et un niveau normal de testostérone, je rêve du jour où cette violence diminuera l'obstination de tant de Français, de protéger leurs propres envahisseurs. Ce jour-là, j'espère être encore en âge de me battre. Entre-temps, votre labeur est une braise d'espoir, et votre émission est le seul moment de la semaine où je n'ai pas l'impression d'être plongé dans une hallucination dystopique. Bien à vous, et c'est signé Fulgor. Alors merci Fulgor pour ton courrier. On apprécie d'autant plus ton courrier, je me permets de te tutoyer, que le français n'est pas ta langue maternelle, donc effectivement, il faut se concentrer pour écrire un texte, donc on apprécie d'autant plus ce message qui est très bien écrit. Voilà, tu maîtrises très très bien la langue française, il n'y a aucun problème. Et effectivement, puisque tu es en France, tu bénéficies aussi de tous les avantages de la vie en France, comme tu l'as très bien raconté. Alors, merci pour ton soutien. merci pour ton courrier. Et maintenant, nous allons discuter de l'expérience donc d'un doctorant, Bac plus 8, travaille en France, CDD, précarité quand même, en tant qu'étranger. Qu'est-ce que vous en pensez, étranger originaire d'Europe, hein, je précise. Qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus, brièvement, pour répondre à notre ami Fulgor? Ouais, donc je confirme effectivement, parce qu'on a le texte en plus à l'écrit sous les yeux. Hein. Tu t'exprimes dans un français très très bon. Hein. J'aimerais bien que ma LV1 et ma LV2 soient aussi bons que ton français. T'as pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Mais ce qui est inquiétant, par contre, c'est ces gens qui sont Bac plus 8 et qui sont en CDD et qui galèrent et qui bossent comme des fous. Et j'aimerais dire que j'en connais pas beaucoup des comme ça, mais malheureusement, j'en connais un certain nombre. Des types qui ont fait des bonnes écoles, qui ont des Master 2, des vrais Master 2 avec une vraie valeur et qui multiplient les CDD, qui sont en galère et qui, en fait, n'arrivent pas à foutre de sous de côté, quoi. Moi, c'est un truc qui me tue, c'est les types qui sont en fait en flux tendu tout le temps. Il y a à peu près 100 balles, 200 balles qui sont mis de côté tous les mois, pas plus, parce que les gens sont en galère, quoi. Et bah, je rejoins une partie de son analyse, à savoir que tout ça, en fait, c'est le symptôme d'une société qui s'effondre, parce qu'effectivement, bah, si on met des éléments improductifs comme des bougnoules et des nègres dans la pyramide, forcément, ça ne peut que s'écrouler. Et ça tient encore avec de la dette, des aides, tout un tas d'artifices. Mais tout ça, c'est pas sans fin, c'est pas infini. Il y aura bien une fin, oui. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, bon, c'est pas nouveau, hein, ces doctorants qui sont devenus des prolétaires, en fait. Ça fait au moins 10 ans, 10-15 ans qu'on s'en est rendu compte. Déjà, on se retrouvait avec des caissières Bac plus 5 il y a une vingtaine d'années. Donc déjà, ça mettait la puce à l'oreille. Ben oui, c'est un long travail de destruction à la fois de l'école, mais qui a aussi atteint les études supérieures, puis un grand travail aussi de destruction du travail, hein, de la valeur du travail. Donc, tout ça, évidemment, avec l'argent de vos impôts. Mais par contre, pour les nègres, là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'argent pour payer les travailleurs français, même quand ils ont un doctorat. Mais par contre, payer les nègres à rien foutre, là, il y a de la thune. Donc, voilà. On ne change pas qui gagne. Hein. Oui, oui, c'est ça qui est intéressant dans ce témoignage comme ça de notre auditeur. C'est des petites observations quotidiennes, en fait. Hein. Dans ton cadre de vie, dans ton milieu de vie, dans une grande ville, tu vois les arbitrages financiers qui ont lieu au plan politique et tu vois quelles catégories de la population sont choyées et lesquelles sont trimes, quoi. C'est vraiment visible, quoi. Mais c'est dans des proportions terribles, quoi. Oui. Ah oui, là, oui. On saigne littéralement les blancs. Vous êtes là, vous avez un doctorat et comme dit Pierrot, si t'arrives à foutre 200-300 euros de côté à la fin du mois, tu t'en sors bien. Et ça, pendant ce temps-là, on a des gens en banlieue, je dis des gens, excusez-moi, ils cumulent les aides sociales, plus le DIP, plus le trafic, et c'est des milliers d'euros par mois qui dégagent. Bah, et en plus, une aide d'impôt. J'ai un exemple comme ça récent, je voulais l'intégrer dans l'émission en tant qu'autisme radical, mais il y avait d'autres sujets. Mais brièvement en passant, un auditeur a envoyé une coupure de presse, c'était du journal 20 minutes. J'ai plus l'endroit où ça se passe, mais bon, je veux dire, c'est pas un scoop, c'est pas la première fois que ça se passe, ça va continuer de se reproduire. C'était des bougnoules de banlieue qui se font arrêter pour des rodéos sauvages. Vous savez, c'est endémique ce truc-là. C'est des bougnoules sur scooter sans casque qui roulent comme des tarés à contresens, ils provoquent les flics, ils grillent les feux rouges et tout. Enfin, c'est des dangers publics. Et les flics n'ont pas le droit de les poursuivre, hein, si c'est ça. Hein. Sinon, c'est, bah oui, sinon, c'est trop dangereux pour les types. Bah oui, parce qu'immédiatement, ils foncent vers l'autoroute, ils roulent un sens inverse et ensuite, ils se font emplafonner par des poids lourds. Et là, tu as des émeutes raciales pour dire que la police est raciste. Bon, je veux dire, vous connaissez le truc comme moi. Alors, ils sont déférés, et vous savez de quoi ils écopent, là, la clique d'Arabes qui s'était fait interpeller ? Ne riez pas, hein ? Un stage de motocross. Putain ! Donc, voilà, on les emmène à la campagne, enfin, la campagne ou dans la campagne proche, pour faire des tours de moto, et pour leur apprendre à arrêter de faire du rodéo. Je veux dire, ça coûte du pognon, ces trucs-là. Ça coûte du fric. C'est tous les jours, hein ? C'est tous les jours, ça. Donc vous voyez bien quoi, que cette société est construite complètement à l'envers. Donc la canaille, à chaque fois, qu'elle commet, j'allais dire sans même parler de crime, mais je veux dire à chaque fois qu'elle elle viole des normes sociales établies comme le fait de respecter le code de la route un minimum, ils sont subventionnés. À chaque fois qu'ils font les cons sur la route, ils sont subventionnés. Et le pire, ça me rappelle les stages d'arts martiaux ou de tir à l'arc pour les islamistes. Oui, il y avait ça, il y avait d'autres trucs. Rappelez, ils avaient fait une expérience qu'ils ont abandonnée par la suite. Ça nous a fait beaucoup rire, on en avait parlé dans l'émission. Mais c'était pas si vieux, il y a 3 ans peut-être. Ils avaient créé des centres spécifiques pour les djihadistes. Et il y avait notamment là-dedans, c'est ce petit appartement. Vous voyez, c'était un genre de logement, comment dirais-je, pavillonnaire, quoi. Les types étaient dans des petits appartements privés, alors sous surveillance, hein, sous haute surveillance, ils étaient en détention, mais ils étaient dans leur petit appartement, et ils avaient leur PlayStation, et ils avaient les fameuses séances de thérapie avec des hamsters. Ouais, ils devaient caresser les hamsters. Les hamsters. Ça apaise. Voilà, au début, tu dis non, c'est une blague. Non, c'est vrai. Et alors, attention, c'est pas caresser le hamster comme ça. C'est-à-dire que tu as une espèce de, je sais pas, de psychiatre ou d'expert psychologue. Alors là, ça douille à l'heure, vous imaginez pas. Parce que ça facture, hein, ces clients-là. Et voilà, et là, on demande à Mohamed, touche le hamster. Alors, Mohamed touche son hamster, il s'en fout, Mohamed, quoi. Et mais ça coûte un pognon fou, quoi. Et ça, c'était juste un truc, quoi. La rénovation urbaine, on en a parlé, je sais pas combien de fois. Des trucs exorbitants. Il devait caresser les hamsters en les regardant droit dans les yeux. Voilà. Oula. Je ne sais pas si ça s'est toujours bien passé, mais on n'en a pas su plus. Mais non, mais c'est voilà. Donc, dans le courrier de notre auditeur de Fulgore, bah, ce qu'il voit, c'est ça. On leur file du pognon. Moi, j'avais vu un truc, par exemple, et ça, c'était dans ma région d'origine, en zone rurale. Moi, je l'ai observé. Ça. Des nègres d'Afrique. Tu les reconnais, hein, les nègres d'Afrique, par rapport à des nègres qui ont grandi en France, parce que la façon de se déplacer et tout, c'est pas du tout pareil. C'est assez bizarre. Et les types, je les vois, ils étaient habillés intégralement de neuf. Les pompes étaient neuves, le futal était neuf, la petite veste était neuve, les mecs avaient des téléphones, ils étaient en bande de nègres en train de déambuler dans des villages. Et tout ça, c'était pris en charge, en fait. Tout ça, c'était des trucs qui étaient payés par les trucs. Alors, moi, je sais pas, mais les gens se révoltent pas face à ça, quoi. Mais je vous assure que c'est comme ça. Les mecs arrivent une main devant, une main derrière. Très rapidement, ils sont nourris, blanchis, logés. Ils ont les téléphones portables, l'argent de poche. Ils zonent entre eux. Ils se mettent à faire du deal. Évidemment, les autorités ferment les yeux et tout. Et il y en a de plus en plus, des trucs comme ça. De plus en plus, y compris. Oui, je confirme. On nous a fait le coup par chez moi avec des paquis. Ouais, c'est partout. J'ai encore une autre ville. Je ne vais pas citer tous les bleds, mais grosso modo, c'est des villes de 15 000 habitants, 20 000 habitants. Ce n'est pas des grosses villes, vous voyez. Et soudainement, en quelques années, les gens découvrent, tiens, mais c'est bizarre, il y a des zonards. Donc, c'est des migrants. Hein. Ils sont là, ils tiennent les murs. Dans le centre-ville, hein, dans le centre-ville, ils zonent, ils tiennent les murs. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils foutent. Mais tu vois qu'ils sont, ils ont tous leur smartphone et tout, voilà, comme il décrit un peu dans son courrier, Fulgore. Il dit voilà, espèce de nègre, ils sont là et tout, mais c'est exactement ça. Mais ça se multiplie partout. Bah, en fait, ces gens entre guillemets, ils sont pris en charge par des dispositifs sociaux, les préfectures les dispatchent. Et pour eux, en gros, ils ont jusqu'à, enfin c'est la récréation permanente en fait. Eux ne voient pas le problème. Parce que c'est des mecs avec un QI très faible, il n'y a pas de projection dans le futur. Donc en fait, vivoter comme ça, ils peuvent vivoter. Le nègre, il vivote comme ça. Tu lui donnes un peu à bouffer une PlayStation, il tient 500 ans facile, quoi. Mais pour nous, c'est une vraie souffrance de se dire je ne peux pas me projeter dans le futur, quoi. Parce qu'on a quand même une conscience qui est supérieure et on le ressent plus, quoi. Mais dramatique. Ouais. Hein, le PIB, c'est quoi le PIB? C'est la valeur ajoutée que produit le pays. Le PIB, en fait, cette valeur ajoutée, elle provient que si vous êtes blanc et que vous êtes un adulte blanc, généralement, c'est vous qui produisez le PIB. En fait, ce pays vous revient de droit, quelque part. Okay, surtout si vous êtes un homme, d'ailleurs. On peut aussi faire cette différence-là. Et donc, on n'a pas à se sentir quand même coupable de ne pas avoir une sorte de retour sur investissement par rapport au travail qu'on fournit, quoi. Totalement, ouais. Donc voilà, donc mais ça c'est un phénomène. J'ai pas mal d'amis à droite à gauche, j'ai beaucoup de retours de cette nature. Donc dans des villes qui ont toujours plus ou moins le même profil, vous voyez, c'est genre sous-préfecture, vous voyez. Sous-préfecture de département, pas forcément très très ruraux, mais quand même assez ruraux. Donc c'est pas, voilà, c'est pas des grosses villes et tout, et c'est complètement endémique. C'est une volonté gouvernementale, et ces nègres-là, on les met là. Alors évidemment, vous avez tous les dispositifs, alors il faut leur apprendre le français, on les met en formation de ceci. Ils sont prioritaires, d'ailleurs. On les met là et tout, on essaye, on fait tout pour eux. Vraiment, hein, on fait beaucoup plus pour ces gens-là que pour les Français. Hein. Et évidemment, ils s'en foutent, parce que quand ils décrochent une formation, bah, c'est pas grave, de toute façon, l'État les met pas à la porte. Hein, voilà, donc vous les voyez faire des petits deals, des petites agressions, parfois ça devient un peu plus sérieux. Il y a des rixes entre eux aussi, parce qu'il y a entre groupes ethniques qui ne s'entendent pas nécessairement. Hein, ça peut être des Afghans et des Somaliens, là, ils sortent les couteaux, ça finit mal. Mais ça pourrit un centre-ville. Parce que ces mecs-là, évidemment, généralement, ils sont assez jeunes et c'est des hommes, et ils n'ont pas de gonzesses à se mettre sous la dent, entre guillemets. Donc là, vous avez des agressions sexuelles, les mecs louches et tout, puis alors les Afghans, voilà. Donc ça devient très compliqué. En tout cas pour certaines femmes, parce qu'il y en a peut-être certaines qui apprécient ça, je sais pas. Il y a quand même quelques dégénérations. Ah oui, dans les associations d'aide. Ah oui. Oui, des plus de 50 ans, il y en a des demandeuses. Ouais. Tout à fait. Mais ça rend le climat dans les centres-villes, enfin dans un nombre grandissant de centres-villes et des villes petites. Alors j'ai un autre exemple. Oui, donc c'était à Ploërmel en Bretagne, une ville d'une taille modeste, où il y a eu. Comme dans beaucoup d'autres communes, un effort de repeuplement de la commune par la préfecture, qui est maintenant dans le Morbihan, puisque ça se passe dans le Morbihan. Cette préfecture du Morbihan, où se situe donc la commune de Ploërmel, hein, dans le centre Bretagne, est maintenant dirigée par quelqu'un d'origine africaine. Hein. Le préfet est un basané. Donc, l'effort de repeuplement, il est là. Et les autochtones se sont rebellés, des jeunes autochtones, des jeunes nationalistes bretons, sont descendus dans la rue et ont commencé à très sérieusement s'en prendre aux halogènes, aux dealers halogènes qui transforment cette ville en véritable taudis, comme on l'a vu partout ailleurs. Au départ, c'est quelques bandes, et puis ensuite, les bandes grossissent, et puis après, ça devient un enfer. Et là, on est dans la campagne bretonne, à l'intérieur des terres, dans une toute petite commune. D'accord ? C'est pas Rennes, c'est pas Nantes. Donc ce phénomène de pourrissement est partout. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils foutent là ? Eh ben, on vous les met là, mais il n'y a pas de projet derrière. Voilà. Et ils ont tous les droits. Sauf que là, à Ploërmel, comme les jeunes autochtones se sont révoltés par la force, là, il y a eu un sentiment de panique. Un sentiment de panique au niveau de la préfecture, au niveau de la gendarmerie, au niveau des élus locaux, etc. Évidemment, les élus de gauche se sont précipités pour dire tout le bien qu'ils pensaient de l'invasion halogène, des ordures de la France insoumise ou des écolos communistes ou de la crasse équivalente, que ce soit du PS ou voilà, toute cette vermine, évidemment, s'est associée à l'envahisseur, hein, fatalement. Mais ils ont quand même eu peur de voir des jeunes blancs des jeunes bretons défendent leur territoire, y compris par la force. C'est la trouille qu'ils ont, hein. C'est la trouille qu'ils ont, hein, de voir la jeunesse blanche se révolter. Ils ont énormément peur de ça. Hein. Ils ont énormément peur de ça. Donc, comme quoi, hein, il faut méditer. Alors, merci à notre ami Fulgor pour son témoignage et pour son soutien. Alors, rubrique numéro 1, courrier des lecteurs. Une anecdote assez intéressante que je vous lis tout de suite. Bonjour Gandalf, salut l'équipe. Un bref témoignage, mon fils qui a 8 ans a appris 2 leçons de racisme appliquées en 24 heures. En bref, une histoire de môme, une bougnoule demande à mon garçon de lui prêter, entre guillemets, son kit pour fabriquer les cadeaux de fête des pères et bien évidemment refuse de lui rendre. Mon fils décide de récupérer son kit et la bougnoule en question le traite, je cite, donc de sale porc, ce à quoi il lui répond « Ferme ta gueule, espèce de chamelle !» Il en a déjà dans le coffre, hein, le petit. Sur cette entrefaite, une deuxième bougnoule se joint à la conversation et commence à hurler « Ah là là, voilà, qu'est-ce qu'il a dit ?» Tente de le bousculer, se fait méchamment contrer, puis repousser. Première leçon apprise. Les Arabes, comme leurs cousins juifs et les nègres, sont des voleurs, des menteurs, attaquent en groupe, et dès qu'on leur résiste, leur génétique les pousse rapidement à la soumission. Mais bien décidé à aller coller, bien décidé à coller sa narbonoïde de prof en pleine dissonance cognitive une PLS magistrale, je demande qu'il me rédige un petit compte rendu à destination, donc on a son fils quoi, de rédiger un petit compte rendu de situation à destination de la marxiste qui lui sert de maîtresse. Le lendemain, à la sortie de la classe, je décide d'aller voir sa prof. Ma femme en a déjà mis une couche le matin et la maîtresse fait mine de ne pas me voir. Je rentre, lui demande quelques instants et lui demande si une petite maghrébine qui traite un élève d'une autre communauté de sale porc n'éveille pas chez elle un soupçon d'une mentalité profondément anti-française. Réponse. C'est votre fils qui a dit des mots très durs. Ce sont de gentilles filles, sans problème, et elles n'ont aucune raison de s'en prendre à votre fils. De toute façon, les deux ont confirmé la version et votre fils tient souvent des propos qui choquent les autres élèves. Tellement outrée qu'elle n'a pas pu dire « chamel ». Je l'imagine en salle des profs. « Vous vous rendez compte, traiter une petite fille de chamel, mais où va le monde ?» Avoir rappelé à ces deux maghrébines l'état de délabrement génétique de leur groupe ethnique en mettant l'accent sur la laideur de leur physique était très pertinent, effectivement, donc en les traitant de chamel. « Maîtresse, il m'a traité de chamel !» J'imagine la gueule de sa prof. On vient de profaner deux tabous, le féminisme et le racisme. C'est la République qui tremble d'effroi. Il est vrai que cette année, il a traité deux négresses de sales singes, foutu une raclée à un mulâtre et à un ouïgueur, interrompu la série de victoires au foot des nègres de l'école en coachant des blancs, et ridiculisé les mômes de sa classe avec un exposé sur le pilotage du karting agrémenté d'une vidéo en caméra embarquée. Et on, il promet le jeune. J'ajoute qu'on le croirait sorti d'Olympia de Leni Riefenstahl tant il répond aux critères physiques et intellectuels de l'Allemagne nationale socialiste. La conversation coupe court quand je demande donc à la prof hein, en quoi la version de mon fils est moins crédible. Elle ne sait pas, elle n'y était pas. D'autres femelles de sa tribu rouge, voyant qu'elle sombre, viennent la chercher. On a réunion. Mais si tu te rappelles, on a réunion. Excusez-nous, monsieur, on a réunion. Je rajoute, faut voir un dessin. Vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe, la radicalisation, l'islamisme, le terrorisme, je viens vous remonter.